Aujourd'hui, dans notre émission, nous écoutons le témoignage de Marius qui nous parle de sa vie professionnelle. J'ai commencé à travailler dans l'industrie. Je travaillais dans une grande société à la production. Mais il y a eu la crise économique et j'ai perdu mon travail. Les employés ont fait grève, mais cela n'a rien changé. L'entreprise a fermé et je me suis retrouvé au chômage pendant un an. J'ai alors pensé à travailler dans l'agriculture ou dans le commerce. Mais l'économie du pays allait mal, alors j'ai décidé de travailler dans le public, parce que dans le public, on a la sécurité de l'emploi. Ce n'est pas possible de perdre son travail. Aujourd'hui, je travaille dans l'administration publique et je suis très satisfait.